Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Si grande est ta sagesse, tu sièges dans les hauteurs, au-dessus de l'univers. Que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Tu es le Dieu tout-puissant, infini. Tu sièges dans les hauteurs, au-dessus de l'univers. Que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Tu es le Dieu tout-puissant. Seul est l'Éternel Dieu, Seigneur et Maître des cieux. Admirable est ton conseil, si grand est ta sagesse. Tu sièges dans les hauteurs, au-dessus de l'univers. Que tes actions profond, tu es le Dieu tout-puissant, infiniment grand. Tu es parfait dans tous tes aspects, fidélité, miséricorde, justice et paix, patience, immense bonté, sauveur de l'humanité. Admirable est ton conseil, si grande est ta sagesse. Tu sièges dans les hauteurs, au-dessus de l'univers. Tes actions profond, tu es le Dieu tout-puissant, infiniment grand. Tu es le Dieu tout-puissant, infiniment grand. Tu es le Dieu tout-puissant, tu sièges en les hauteurs. Je t'en besoin de te connaître mieux. Je fais le plein quand tu me rejoins. Apprends-moi à te servir. Dis-moi comment te bénir. Marcher dans tes pas. Écouter ta voix. Façonne en moi ta volonté. ton désir, j'essaie de nous montrer, de nous parler, de nous conduire. Et Seigneur, on veut être conduit par toi ce soir. Pas juste ce soir, mais toute notre vie, Seigneur. On veut être conduit par toi, Jésus. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, montre-nous le chemin. Ouvre nos esprits, Seigneur. Ouvre nos esprits ce soir. Nous sachions te suivre, te voir, te connaître, te comprendre. Et toujours plus près de toi.